s'étire sur la vallée profonde. Riders qui veillent l'âme vagabonde. Les murmures du bois portent ses pas. Sur Twitch s'allument les flammes d'un combat. Les éclats de voix percent le silence. Dans chaque regard, une flamme ardente. La communauté est fière et vibrante. Riders Kill trace sa route sans détour. Chaque stream construit un nouveau jour. Les chants s'élèvent dans la nuit noire. Des prières tissent un espoir. La forêt coupe, elle garde en son sein les secrets du jeu, les combats sans fin. Riders Kill inspire héros sans masse. Sur Twitch son nom bruit jamais. Lorsqu'il marche guidé par le matin, drop sainte, offrande du sort. Sur Twitch, l'aventure s'écrit encore. Terre sacrée, feu invincible. Notre foi en lui est indestructible. Les ombres se lèvent, le combat reprend. Souffle éclair, dans cette danse rien n'est éphémère. Les drops tombent, cadeau du ciel, pour ceux qui luttent sous la paix. Le repos est bref, la veille continue, les cœurs s'unissent, la force inconnue. Sur Twitch s'allume la flamme sacrée. Et lorsqu'ils guident sans jamais plier, la forêt chante, la lutte persiste. Unis dans le vent, nous résistons artistes. Un vent chaud emporte les doux. Le cœur s'enflamme, jamais il ne s'arrête. Riders Kill brandit l'étendard. Sur Twitch, son nom s'inscrit dans le regard. Les pas martèlent le sol humide. Les drops tombent, promesses solides. Riders qui l'avancent, roi de la nuit. Chaque stream forge un nouvel appui. Les voix s'élèvent. Écho d'une armée dans la forêt, prêt à tout livrer. Le silence revient, un moment fragile, mais les cœurs battent, la lutte est agile. Riders Kill sourit, vision claire. Sur Twitch, le futur. Les drops dansent, promesses d'avenir. Dans cette quête, on ne peut faiblir. Les feuilles frémissent sous le vent léger. La tension monte, tout est engagé. Riders qui lève l'épée, prêt à frapper. Sur Twitch, l'histoire est à raconter. S'allume, un cri retentit. La team s'élève, plus rien ne les nuit. Sous les arbres, la guerre est sainte. Chaque pas grave, notre plainte. Riders Kill marche, les